On n'a pas réalisé comme des gamins qui s'amusent, quoi. Je vais pas dire qui s'éteint tout. Elle va être pas charmante, du coup. On rentre.